داي يا خويا فعلي بختي مو خويا انا نشتك يا خويا ممسافة فاسيل سعناني يا خويا يا بلوت فرنسي بون خويا يبال لو مير يا خويا سيفير دي زندي سي تا غوتي لا ميزير سي كو فون باتي كوم نو on n'est pas comme ces jaloux ils nous arrivent pas aux genoux enfermé si c'est pas dedans c'est dans le quartier le capital d'un millionnaire je pourrais pas gaspiller dans n'importe quoi parce que moi j'ai trop galéré galérin tout terrain t'inquiète on sait gérer on avance cœur caché je crois que c'est par sub-zéro les lâches ils vont succomber les vraiment prendre très haut les photos je les demande là je peux pas trier t'inquiète je ferai une guerre un jour je suis proprio je crois même plus les jours dans l'allée je compte pas tous les rangs au palais y'a tous ces projets qui tombent à l'eau les larmes sur l'addition est salée. On a tous grandi dans le quartier. Les rôles, c'est chacun son maître. On a tous grandi dans le quartier. Les rôles, c'est chacun son maître. Je vois plus personne quand je marche au quartier. La plupart de mes frères sont sous écho. Un coup de balance d'à peine des rôles. La police chez les familles comme les fédéraux. À la qualité supérieure, je sors que la nuit comme les supérieurs. Tu confiance en personne, je suis comme Gennaro. Je n'ai pas de frérot, j'ai que des généraux. Un zombie, un zermi. Les cantines n'est pas lui au bigot. Toute la nuit abandonnée, parlez plus. Comptez les jours, comptez les amis. On connaît la rouille, on connaît la rue. 9-4 les manguettes, c'est la team. Familiale, entreprise du crime. Dans les allées de jeu, on met la clé. On a tous grandi dans le quartier. Les rôles, c'est chacun son maître. On a tous grandi dans le quartier. Les rôles, c'est chacun son maître. Un année d'aïe, chouïa. La liberté, mon chouïa. Un année j'tic, ya chouïa. Même c'est pas facile. C'est la même du 9-4 au 19. Ils nous jugent à la tête, pas besoin d'expliquer. Les contraires s'attirent, non, on n'aime pas les gars. Y'a les refs, 11, 11, la lévite, la cité. Ouais, tonton, c'est la même du 9-4 au 19. Ils nous jugent à la tête, pas besoin d'expliquer. Les contraires s'attirent, non, on n'aime pas les gars. Y'a les refs, 11, 11, la lévite, la cité.